Il y a eu des personnes qui ont eu les badges, qui ont trouvé beaucoup, le bonheur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez reçu encore cet après-midi. Beaucoup. Oui, oui, des fans dans la rue. Ah, et en plus, il y a beaucoup de filles aussi. Oui, oui, beaucoup. Et on a reçu des demandes énormes. Alors, si vous voulez commander les badges, les trois badges, c'est 50 francs. C'est trois badges différents. Il faut respecter, bien entendu, les règles. Les règles, c'est d'en offrir un à une meuf. Et dans le cas échéant, si vous n'avez pas de meuf autour de vous, un cum. Et les trois badges, 50 francs. Il faut les envoyer en chèque, ou si vous n'avez pas de chèque, à la limite, un petit billet de 50 francs, mais faites pas comme une pauvre enculée qui m'a mis 5 pièces de 10 francs dans l'enveloppe. Ah bah. Non mais vraiment l'endive, 5 pièces de 10 francs dans l'enveloppe, convocation au PTT, la bonne femme elle dit « bon, ouvrez l'enveloppe devant moi ». Ben, je lui dis « mais qu'est-ce qu'il y a madame, excusez-moi ». Des bonbons. Qu'est-ce que tu manges Monique? Mais qu'est-ce qu'il y a madame, excusez-moi. Alors, on voulait pas dire qu'il y avait de l'argent dans l'enveloppe. Elle dit, ouvrez l'enveloppe devant moi. Femme autorité. Tu vas ouvrir l'enveloppe devant moi. Parce qu'elle était comme ça. Tu vas ouvrir l'enveloppe devant moi. Et j'ai dit, oui, oui, madame, je vais ouvrir l'enveloppe. Alors, on a ouvert, et puis moi, j'ai baissé les yeux. Et puis, je lui dis, excusez-le, madame. Il ne savait pas, ce jeune garçon. Il savait pas, excusez-le, il ne savait pas. Car ils ne savent pas ce qu'il... Pardonnez-le, ne le punissez pas. Et je pense qu'il va avoir une lettre du contrôleur. Hein. Ah oui. C'est interdit d'envoyer des pièces. Ni des billets non plus d'ailleurs. Non mais les billets ça se voit pas, ça passe. Ah bah voilà. Mais alors une endive qui fout des pièces de 10 francs, mais pourquoi pas des pièces de 20 centimes avec des rouleaux aussi. Oh non mais il y en a des fois ils traînent. Une charrue de conneries avec de la paille mélangée. Oh dis donc, c'est épouvantable. Mais vous allez me laisser tranquille hein. Bon, alors pour les badges, 50 francs en espèces ou en chèque. Les trois badges, 50 francs. Vous pouvez commander plusieurs lots si vous voulez offrir à des camarades un cadeau. Vous voulez offrir un badge, deux badges, trois badges. Et vous faites la commande à Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris. Le chèque à l'ordre de David Girard. Alors je répète l'adresse, Lune de Fiel, David et Zaza, 21 rue de la Chapelle, 75 018 Paris, et le chèque à l'ordre de David Girard. Et le billet, c'est pas la peine de mettre d'ordre, c'est bon. Voilà. Voilà. Alors, il faut en commander, parce que plus vous êtes, plus vous avez de chances de vous rencontrer. Alors n'hésitez pas, n'attendez pas la fin des badges pour après pleurer et nous dire que c'était formidable et qu'il faudrait continuer. Non, commandez-les dès maintenant, n'hésitez pas, on vous les envoie sous 48 heures, à moins que vous ayez oublié de mettre votre adresse. Ouais. Hein, Cathy, c'est toi qui ouvre les enveloppes. Hein, il y en a qui oublient de mettre leur adresse, il y en a qui oublient de mettre leur nom, il y en a qui mettent pas le numéro de la rue. Non mais des fois il y en a de thème sur le chèque. Hein. Non mais il y en a qui traînent grave. Bah oui. Très grave. Bah oui. Mais alors vous qui êtes intelligent et si vous voulez faire partie du club non-endive, si vous avez les badges, c'est que vous avez quand même traversé toutes les étapes de difficulté pour les avoir, qui sont en fin de compte. Les obstacles sont... Voilà. Non, c'est pas vrai. Alors, c'est facile. Commandez-les dès ce soir. Voilà, vous me préparez votre enveloppe et vous envoyez ça et vous avez les badges sous 48 heures. On vous les envoie par la poste. C'est facile et ça peut rapporter gros. Voilà. Hein, on m'a dit que ça rapportait très gros. Très gros. Alors en plus, c'est un véritable outil de communication. Ça vous permet de faire des copains déjà d'une part et de rencontrer les camarades qui connaissent comme vous Lune de Fiel et qui aiment tout ça. Voilà. Nous avons un auditeur en ligne. Ouais. Salut. Allô. Bonjour. C'est qui là? C'est David. C'est Aladdin. Bonjour Aladdin. Comment vas-tu? Ah ça va. Ouais. Et ta lampe? Eh ben c'est bon la lampe d'Aladdin. Comment tu connais l'histoire alors? Bah oui quand même. Aïe aïe aïe. C'est bon, moi je suis antillais là. Hein. Pas des bah oui on avait entendu hein. Ouais. Et comment on dit ça va en antillais? Ça vous fait. Ça vous fait. Ça vous fait Doudou? Ah ben voilà chérie, tu dois là. Alors vas-y, maintenant tu nous donnes du vocabulaire. Antillais. Antillais. Yes okay, I do it. Ah, ok bon. Man. Hey, yeah. Comment on dit par exemple cul? Le cul on l'appelle Bouddha. Bouddha. Bouddha ouais Bouddha. La bite. La bite le cal ou bien le fer. Ah ouais mais attends mais prononce bien. Le cal. Le cal. Oui. Ah, alors, le cal. Eh oui mon beau calot roi des forêts. Tu cales. J'ai une copine. Oui. Et puis quand on dit batte douce c'est pour se brûler là batte douce. Batte douce. Ouais il y avait batte une douce là. Et comment qu'on dit baiser? Baiser, hein, qui est coquet. Coquet. Coquet. Ah, coquet, yes, Doudou. I... Et comment qu'on dit oui. Et comment on dit une fille? Une fille? Oui. En choupette. En choupé. Ouais, en choupette. Choupette. Choupette. Choupette. Yes, sir. Enculé. Enculé. Ah ben, mon point va bouda. Comment? Mon point va bouda. Sa bite va au cul. Ouais, je l'ai, oui, yes, sir. C'est bon, ça. Je l'ai pris par le bouda. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson en créole? Oui, là, c'est en français, tu vois. Oui. Il est un teuvier en cul de bordé plus. Il acheta un produit pour bordé. Tu vois, ouais, c'est ça, c'est cool, là. Tu vois, Wonder, c'est un chanson carnaval, tu vois. Mais y a pas quelqu'un qui connaît une chanson longue d'au moins une minute? Une minute? Oui. Ah, peut-être. Mais en créole aussi. En créole, ouais. Eh oui. Y a oh lélé, oh la la, Foma Goboda, Seyo Kabasida. Oh lélé, oh la la, c'est Foma Goboda, Seyo Kabasida. Si tu as compris, le pape sida, j'ai compris, hein. Oui, c'est les formes avec le gros cul, c'est il faut mettre le bouddha, sida, ça ouais. Belle, hein. Et dis-moi des phrases très cochonnes. Très cochonnes, eh ben l'anjet mamao. L'anjet kunia banda mamao. Yes, ben tu connais le mouvement là, l'homme. Tu connais c'est le mouvement. Bon. Anjet kunia banda mamao. Oui, kunia mamao, l'anjet mamao, yes, tu connais le mouvement, yes, ça est pas mal. Elle est pas molle. Elle est pas molle. Elle est pas molle, elle fait pas le ménage. Ah ouais. Et comment on dit que tu bandes plus? Eh ben on pas, on va faire de la molle. Red de la molle, on va faire red, on va bander red, tu vois. En red, on ne dit pas bander, on dit, on fait un red. Farid. J'ai fait un red. Ride. Un red. Aride. Red. C'est aride. Y a non, c'est pas aride, c'est raide. Raide, raide. Ouais, raide. Ah, raide. Ouais, puis nous, quand on sort de sa foupa, tu sais, le truc collé serré là. Ah oui. Ouais, oui, puis oui. On dit qu'on arrache les poils des nanas là. Yay, yay. Eh putain, il paraît que. On arrache les poils là. Il paraît que les Antillaises oui. Et les Antillais oui. Sont très, très, très chauds. Ah ouais, maman. Ah ouais, j'ai besoin de rencontrer une là pour les montrer. Nous on a les gros calibres, tu sais, hein. Ah y a des. Ça l'a 18 en montant. Hein. Mais c'est vraiment des grosses. 18 cm en montant, tu vois. Des grosses bites. Mm-hmm. Et quand ça monte sur le ventre, tu peux même plus la tordre tellement qu'elle est dure. Ah ouais, maman. T'es obligé de les baiser debout. Maman. Ah ouais. Les accrocher comme un porte-manteau. Ah ouais, c'est on soulève ça, c'est le cric. Le cric. Ah ouais, on soulève, hein. C'est le cric. Est-ce que t'as une copine à côté de toi? Ah non, non, non, c'est seulement des amis de classe là, tu vois. De classe? Ouais. Et ils sont antillais aussi? Non, non. Ah. Yougoslave et puis, je crois, belge, je crois, non. Bretons. Deux bretons, bretons. Des bretons. Et le yougoslave, il s'est jacté? Non, non, non, il a dit non. Il a peur, il a peur. Il est timide. Ah ouais. Il a pas, non, il n'est pas timide, hein, pas du tout. Mais les meufs, quand tu les baises, est-ce que tu leur fais un bon travail? Ah ouais, maman, c'est. Je les lime là, hein. Et les femmes blanches qui un aiment. Certain complexe qui aiment de aller... quand même. Non. Les femmes blanches qui aiment aller avec les Antillais. Mmh. Celles-là, c'est des bons coups, non? Ah ouais, maman. Il va péter caille, hein. Elles aiment Lausanne, hein. Ah ouais. Ça, on mange bien à la cantine, maman, hein. Ah ouais, ah, ça, le boudin, ça plaît, hein. Ah, le boudin antillais. Le boudin antillais, hein, ça... Le boudin antillais, c'est chaud. Ça ouais. Remue, hein. Mm-hmm. Je te dis pas. Oh, ça me remue, là-dedans. Elle doit avoir du mal à chier. Ouais, ouais. Ah, maman. Maman, elle est... Il faut caca après, hein. Caca ça entre. Il faut caca caca. Ah ouais, c'est le truc c'est libre, tu vois. Avec le calibre là qui est dans la boîte au chocolat, comme vous dites là. Il faut caca. Caca. C'est libre. Après, c'est libre. Après, c'est libre. Ah ouais, c'est libre. Le cul est libre là. Pas toucher cabinet à moi, c'est pas bouffer à mou, c'est bouffer caca. Ah ouais, c'est bouffer caca. Hein. Il faut caca. Caca. C'est rigolo, c'est caca. Et comment qu'on dit sucer une bite? Sucer une bite? Ouais. Eh ben, suce-moi. Tu me fais suce-moi, ouais. Tu me fais suce-moi. Ouais, suce-moi, c'est le ça. Bouddha. Le Bouddha. Ouais. Bon. Ah, est-ce que tu aimerais rencontrer une camarade ce soir? Ouais, ouais, mais oui. Oui, tu veux... Il n'y a pas longtemps que je suis ici, on peut me rencontrer une là. Hein. Et est-ce qu'elles sont chaudes là-bas, même aux Antilles? Est-ce que? Est-ce qu'elles sont chaudes plus aux Antilles ou en France? Ah, aux Antilles, elles sont bonnes, hein, maman. Ah ouais, les Antilles, là... Non, mais elles sont meilleures quand elles sont dans leur élément. Ou dans leur? Dans leur élément. Ah, ah ouais. Sont, leur, lorsqu'elles sont au bord de la mer, là-bas, et tout. Non, dans leur élément, maman. Ah ouais. Ou elles sont meilleures quand elles sont ici, en France. Ah non, ma dans les, là, dans les... bien. Elles sont mieux quand elles sont dans les dom-toms ou à la métropole. Ah oui, ah oui. Elles sont mieux, elles sont mieux. Aux Antilles, là, ouais, c'est bon. Elles sont encore plus chaudes, elles ont ah encore oui, plus ah oui. Et est-ce qu'elles marchent des fois à quatre pattes, la croupe en l'air hein? Comme la Louve de Rome. Est-ce qu'il y en a qui marchent des fois bien le cul en arrière pour montrer à l'homme qu'elles ont envie? Ah oui, maman. L'homme. Ah, il faut voir ça, c'est seul qui peut. Hein. Tu pètes une caille, hein. Tu écrases la maison. Hein. Tu écrases la maison. En cueillant ça, dit péter en caille. Ça donne péter en caille, hein, tu vois. Ouais. Bon, on t'embrasse. Tu es formidable, Aladdin. Très bien, Aladdin, bravo. Eh, attends, j'ai un camarade là, il veut dire quelques mots là, Bouboule. Bouboule. Ouais. Allô, Zaza. Allô. Ça fait 2 ans que je t'écoute. Ouais. Je peux passer un message, j'ai une petite vengeance personnelle envers une copine à moi, une ex, une vraie salope. Eh ben, profites-en, mais fais vite. Hein. Bah, je dis, Adeline, t'es une sale putain. Et bon, Bouboule, il t'encule la prochaine fois qu'il te rencontre. Et t'as intérêt à avoir enregistré l'émission comme tu l'enregistres d'habitude. Parce que là, tu vas kiffer sur la prochaine fois que je te vois. Je te promets, je te mets la boîte au chocolat, je te l'explose. Ma parole, ça a pété en feu d'artifice. Hein. En 1000 morceaux. Mais rappelle-toi de Bouboule parce que ça va saigner. Hein. Bravo. Bravo, Bouboule. Bravo, Bouboule. Mais ça, je pense... Ouais, mais elle est sublime, votre émission. Ça fait 2 ans que j'écoute. Je me bidonne tous les soirs. D'ailleurs, attends, Zaza, il y a 3 semaines, elle a dû venir te voir. Attends. Elle t'a rencontré dans un bar avec une copine, elle s'appelait Adeline et il y avait Virginie avec elle. Ah, moi. Je suis souvent dans les bars. Juste avant que tu. À la rue comme Sedem, je fais beaucoup de bars, ça y a un bar à côté à la rue Sedem. Ah oui, ça se peut. Et tu l'as rencontré dans le bar. Ah ouais, ok. Et bon, elle est venue à l'émission, il y avait Rachid. Ouais. Rachid. Non mais. Le plus qui m'éclate, ouais. C'est quand les gens me racontent qu'ils sont tout seuls chez eux. Avec le Walkman sur la tête et qui pouffe de rire tout seul. Ah mais c'est flippant, je suis sûr qu'il se tape une colonne à chaque fois, c'est obligé. Non mais déjà être tout seul, tu vois, avec le Walkman sur la tête et quand il y a quelqu'un qui passe qui entend quelqu'un rigoler. Ouais. Tout seul et qui dit mais il est malade, tu l'as qu'est-ce qu'il a rigolé. Mais tu m'étonnes, moi mes parents ils flippent, ils m'entendent le soir rigoler, ils savent pas pourquoi. Bah t'as qu'à leur faire écouter. Ouais exactement, pour leur faire partager tes bonheurs. Ouais. Fais quand tu étais plus petit. Ouais, bah je vais vous laisser, je vais pas prendre la parole plus longtemps parce que je suis un peu dans les vignes du Seigneur là. Tu crois que les parents ils chôment? Ouais, je crois bien, là. Ils sont en train de limer, je suis sûr. Les parents ils chôment pas du tout. Hein. Ah, le père il lime, ça j'en suis sûr. Ah oui, ça. Ah bah mon cochon. Je vais te dire le coup de dingo, hein. Mais qui vous l'a dit? Mais qui vous l'a dit? Vous faites un joli métier. Je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Bonjour, les et du fouet! De chez Paul Prébois. Le fouet. De chez Paul Prébois. Il en chie tous les jours. Bon allez. Ouais, je te laisse, ouais. Avis à la population. Ouais. Les enculés. Les enculés demain seront punis. On leur jettera des pierres. Le trou du cul qui n'aura pas 36 plis sera puni. Plâtré immédiatement. Muré. Comme en Iran. Ah, ça. Et ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, attends, prenons l'émission dans l'ordre. Le fil conducteur. On me demande des adresses de réseau Minitel hétéro. Ah, réseau Minitel hétéro. Alors, ouais. Pour ceux qui veulent rencontrer des filles. J'ai là une fiche. Et les filles qui veulent rencontrer des mecs. Voilà. C'est très ça arrive simple. Aussi, vous savez. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est très simple. Ah oui, si on a de prison qui veulent nous appeler de la cabine. Il y a une cabine, normalement, maintenant, où on peut téléphoner. Je m'ai dit ça hier. Il faut demander une permission. Et puis ils peuvent descendre à la cabine pour parce que je sais qu'ils nous écoutent. Ouais. Et il y en a beaucoup qui sortent et qui nous disent mais putain, mais on attendait tous le mardi là-bas pour vous écouter et pour s'éclater dans toute la prison. On entendait des rires. Mais par contre au Beaumet, à Marseille, ils peuvent pas nous entendre. Non. Parce qu'on n'est pas reliés. Mais t'imagines si on a été reliés dans toute la France. À Clermont-Ferrand. Et à Clairvaux. France bien profonde. Où les mœurs sont quand même cachées, où on cache encore le plaisir. Oui. Où il y a encore des bons bals parquet. Ça dépend des villes. Ah oui, non, mais on le vit le plaisir, mais on le cache. Oui, comme à Pau, oui. Alors, un réseau Minitel. Alors, 3615 LIO, L-I-O. 3615 LIO, L-I-O. Et pour les PED? Et pour les PED. Alors, 3615. Parce que ça existe aussi. Hein. Oui. Ah ouais. 3615. Moi, j'en ai rencontré. Vous tapez oui, GAY, G-A-Y. 3615 Gay, G-A-Y. Et si vous voulez nous laisser des messages pour Lune de Fiel, ou si vous voulez participer à un jeu des insultes, si vous voulez participer au susbit ou au lèche-chat, si vous voulez trouver des grosses bites, ou si vous avez une grosse bite, si vous voulez organiser des parties à plusieurs, alors bon, c'est la cour des miracles, ce service Minitel. C'est 3615 TBM. Si vous voulez juste vous occuper de Lune de Fiel, vous tapez 10 et puis envoie, vous verrez, c'est marqué Lune de Fiel. Et après, vous rentrez carrément sur le service du bonheur. Ou sinon, si vous voulez faire les parties, les grosses bites, le lèche-chat, le sus-bite, mes couilles se tendent, se brouillent. Voilà. Bien, alors vous faites 3615 TBM. Voilà. Allô, nous avons un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Vous êtes en forme ? Je m'appelle Stéphane. Oui. Bonsoir David, bonsoir Pascal, bonsoir Zaza. Salut Stéphane. Alors déjà j'aimerais vous féliciter pour votre émission qui est excellente. Merci mon ange. Et vous êtes tous les trois adorables. Ça y est, j'ai le cul qui tourne. Et également, je vais être assez bref, je téléphone uniquement pour vous remercier pour les badges. Oui. J'ai reçu, j'avais commandé donc un lot de 3 badges. Ouais. Et ils sont d'ailleurs superbes aussi. Ouais. Et je vais vous raconter brièvement une petite anecdote qui m'est arrivée. C'est que je suis quelqu'un qui est assez disgracieux. Ah, oui. Beaucoup de disgrâces physiques. Tu n'es pas très joli. Ben disons que j'ai quand même pas mal de disgrâces physiques. C'est-à-dire que bon, je suis pas le seul, j'espère. Je mesure 1m52 bon, et je pèse 55 kilos. Oui, mais dis-moi, j'ai ce qu'on appelle sur la joue gauche un poireau. C'est-à-dire une grosse tache de café avec plein de poils. Hein. Ah. Et tu vis ça bien, mon ange? Comment? Tu vis ça bien? Tu vis cela bien? Ah ben oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Le poireau est atteint le cerveau, non? Alors attends, je vais t'expliquer David. C'est David que j'ai en ligne? Oui, oui, c'est nous tous, on est là. Alors je t'explique brièvement David, c'est que j'ai porté l'un des badges. Oui. Et je suis allé un jour faire des achats, donc au BHV comme ça, comme tout le monde. Oui. Et je me suis carrément fait aborder, alors que ça m'était jamais arrivé depuis les... Ben, ça depuis que t'es né. Depuis que t'es né. Par une dame, une charmante dame d'une trentaine d'années, qui était fort sympathique mais et qui m'a fait des propositions alléchantes. Disgracieuse, parce que qui se ressemble s'assemble. Mais non, c'était juste... moi. Hein? C'était moi. Non. Si. Je te jure, c'était moi. Et allô? C'est toi qui mais c'était qui quand? Ça s'est passé quand? Au BHV. J'ai commandé les badges il y a 15 jours de ça et c'est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière au BHV tout simplement. Et elle était comment cette femme? C'était comment? Moi, je suis sûr que c'était moi. Elle avait les cheveux courts? Ah non, pas du tout. C'était une femme aux cheveux au contraire très longs. Oui. Une belle rouquine. Oui. Et elle m'a convié à venir chez elle. Et puis on a fait connaissance, plus amplement. Et ça s'est très très bien passé. Et t'as baisé. Alors, c'est pour ça que je tenais vraiment vous remercier pour les badges qui sont super. Bah tu nous renvoies 50 francs parce que. Mais j'ai bien l'intention d'en commander parce que j'ai pas mal d'amis qui sont aussi disgracieux que moi, sinon plus. Et qui ont passé une commande de badges également. Mais quand tu te regardes dans la glace, vraiment, ça fait peur? C'est genre Elephant Man un peu. Je dois avouer que sincèrement que j'ai très très peur. Ça fait un peu Elephant Man. Presque. Pourrais être la doublure d'Elephant Man effectivement. Mais il a peut-être une très grosse bite. Hein. J'ai effectivement une très grosse bite. Ah, bah alors ça n'a pas d'importance. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Et j'aimerais faire une proposition à Pascal si elle est intéressée toutefois. Ouais. Je suis prêt à la rencontrer et à venir à votre émission si vous acceptez mardi prochain. Ah bah si tu veux venir. Bah on te mettra dans une cage. Stéphane. Et on fera payer du avec des rideaux. Mais alors, t'as un gros poireau sur la gueule. Ça aurait été une endive, ça aurait été bien. Gorbatchev. Bah disons que c'est. Et t'as essayé le pas de R, ça fait rien. C'est la seule chose que j'ai bien, je crois, sur moi quand même. Un beau poireau, tout le reste est horrible. Mais c'est la meilleure partie, je veux dire, c'est la partie qui est cachée. Qui et est les chicots sont bien. Les chicots sont à peu près corrects, à part qu'il me manque. Il en manque 3 dedans. Ah, t'as un trou dedans. J'ai quelques caries, mais c'est tout. Bon, ça va. Et t'as des lunettes, non? Non, pas de lunettes, des oreilles décollées. Pas de chopine à bière. Les oreilles un peu décollées. Et j'ai le cul refait un peu. Le cul refait. La totale. Le cul a été refait. Non. Non. On a fait mettre un lacet, il n'y avait plus de plis. Un velcro. Un trou du cul avec un velcro. J'ai moins 5 plis maintenant. Un trou du cul avec un velcro. Oh là là. Bon, un joli petit gnome, on t'embrasse. Et

Occupé. Bah, occupé. On était pas là. Hein? On n'était pas là. Moi, je sais. On n'est pas bien. Il y a Guy qui est passé, Yagil. Ah, Yagil, ouais, il est venu. Il est venu. Il est marrant, lui. Écoute, Gédéon, joueurs. On te remercie pour ta sympathie. Formidable. D'accord. Cet appel très touchant. Ta fidélité, oui. De voir quand même qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent toutes les semaines. Ah oui. Qui nous rappellent pour nous demander comment on va. Ouais. Comment on va. Comment on va où. On va où. Bon, avec va... tout ça, je me demande bien où on va. Hein. On va... Mais je crois. Non, mais est-ce que tu crois franchement qu'on va aller au paradis? Bah, ma foi, on ira tous au paradis. On ira bien quelque part. Toi, tu vas pas aller au paradis. T'en as trop mis dans ta bouche, hein. Ouais. Parce que dans la Bible, quand même, c'est pas marqué qu'il faut mettre en bouche. Les petits, tu les fais pas par la bouche. Non, mais enfin, faut bien quand même nettoyer les... Hein. Les bites avant de les prendre. Bah oui, quand même, non, faut... Bah dis donc, qu'est-ce que tu nettoies? Tu prends jamais, tu nettoies pour les autres. Un pressing ambulant. Tu nettoies pour les autres. Gervaise. Mais pourquoi il y a des fois tu donnes un 50? Je t'ai vu des fois donner un billet, mais je comprends pas. Des billets qui se froissent. Oui. Bah je prends la monnaie. Ah bon? Bah oui. Oh bah écoutez, vous n'avez pas d'imagination. Ah voilà, donc vous prenez 50 si vous rendez oui, 50. Oui, beaucoup. Ah bah 40 fois 50, hein. Raconte la pute qui avait fait 515 francs de... Bah c'est une pute qui va revoir son Mac, elle lui donne 302 francs 50. Et il lui dit, mais pauvre con, mais qui c'est qui t'a baisé pour 2 francs 50? Bah il dit, bah tous. Qu'est-ce qu'elle a dû se faire mettre, dis donc? Bah Des piles de bois, des poils de bites, des... Non, des piles de bites. Et des... Oui, pas et des bottes de bites. Des pines de macro et des... Panne de micro. Voilà. Et enjamber une pute et amputer une jambe. Exactement. Et je t'aime, tu m'aimes, nous nous aimons. Ok, mec, dis gars. Mangeons du jambon. Voilà, nous, encore un auditeur, bien sûr. Bah oui. Ah, c'est le numéro du bonheur. Tu vas bien m'accouper. Oui. Allô. Allô. Bonjour. Bonsoir, ouais, donc après Gédéon, le train sifflera trois fois, donc c'est moi, Stéphane. Stéphane, bonjour. Voilà. Tu as quel âge? 25. 25 ans. Voilà. Et alors? Et donc, bon, moi, ça, je suis peut-être assez bizarre, je crois. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai quand même des fantasmes. Aucun fantasme n'est bizarre. Ouais, mais c'est assez particulier, quand même. Bah, vas-y, crache la valda. Ouais. Donc, moi, ce que je cherche, bon, c'est des gens qui aiment bien filer des coups de pied dans les couilles. Ah oui. Et, oui. Mais un style de mec assez particulier, quand même. Alors, donc, toi, c'est les mecs qui te plaisent? Moi, ouais, c'est plutôt les mecs, ouais, quand même. Et t'as envie de te faire dérouiller? Ouais, te ramasser une bonne toise. Voilà, c'est ça. Hein? Mais c'est-à-dire que bon, moi ce que j'aime bien, bon, c'est généralement dans ce genre de truc, j'aime bien que quand c'est fait, bon, pour des mecs assez, très jeunes, quoi, quand même. Ouais. Et bon, j'aime bien un style un peu soit zoulou. Si tu veux, du châtelet, tu vas voir les skins, hein. Ouais, non, mais. Ils vont te dérouiller gratos. Tu t'habilles en rasta, tu vas au Front National. Tu t'habilles en black, ouais. Non, c'est pas pareil, non, mais je veux dire, c'est un meeting du Front National. Tu veux que ça soit quand même nuancé, dosé. Ouais, nuancé parce qu'il y a un côté fétichiste quand même. Oui, mais parce que quand même des coups de pompe dans les noix. Ouais, non, mais attends. C'est déjà à risque quand même, hein. Ouais, non, mais je précise une chose quand même. Bon, il y a un côté fétichiste dans ma tête, quoi. Et donc, c'est. J'aime bien un mec soit en jean, style challenger, truc comme ça, ou bien jean usé, basket, enfin, qui fasse un peu style zonard. Bien crade. Ouais, ça, j'aime bien. Le slip un peu merdeux. J'aime bien je peux comprendre. Ouais. Oui, aisément. Et finalement, bon, j'aime bien les mecs qui font pas vraiment PD style compagnie, quoi. J'aime bien les petits durs, quoi. Voilà. Et bon, ça m'est déjà arrivé. Bon, j'avais eu des expériences comme ça une fois. J'avais abordé quelqu'un dans la rue. Il a trouvé ça bon, étonnant, quoi. Bon, j'ai pas peur en général. Bon, ce qui fait que je vais voir le mec, je lui dis, bon, voilà, je voudrais que si ça t'intéresse, me fais des coups de pompe. Enfin, le mec, il était étonné, quoi. Et, il lui dit, mais pourquoi et tout. Et je lui dis, bah voilà, il y a comme ça que je prends mon plaisir. Et donc le mec, il était étonné, mais finalement, bon, ça sur le moment, bon, il s'en foutait complètement. Puis finalement, ça il a pris son plaisir lui aussi, parce que finalement, ça lui plaisait, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, pendant que tu te ramasses les coups de latte? Bon, tu te branles? Qui, moi? Bah oui, ouais. Non, attends, je précise un truc, c'est que, bon, j'aime bien que, bon, par exemple, le mec, il reste habillé, tu vois. Ouais, et, oui, bon, beaucoup. Moi aussi, beaucoup. Également, moitié habillé, j'aime bien un peu ce côté-là, quoi. Style, tu te fais violer? Un peu, ouais. Ah, voilà. Ah, et donc j'aime bien que le mec, bon, un peu style baston, enfin un peu Bon, le mec, il aime bien faire des coups de latte, comme ça, dans, marcher sur la bite. Et tu te défends pas, hein? Non, généralement, j'aime bien justement faire dominer par des mecs assez jeunes, parce que je trouve qu'il y a aussi psychologiquement un truc qui m'excite dans ma tête. Ouais, la cour de récréation et tout. Et bon, c'est vrai que ça m'a. Je préfère faire ça finalement dans un bois, un garage, un truc comme ça. Et bon, il y a ça qui m'excite. Et puis aussi le fait que si le mec, j'ai aussi une relation uro. Et ça, je suis assez porté là-dessus. C'est-à-dire, style avaler la pisse du mec. Ça. Ah. Et comment t'envoies le choucard? Comment, moi? Comment tu as ton plaisir, mon cœur? Comment des coups de latte? Ouais, mais ça provoque une éjaculation qui est satisfaisante. Et tu bandes alors quand tu prends des coups de latte? Ah ouais, bien sûr. Ta bite est raide comme... Non mais attends, est-ce que je précise un truc? Oui. C'est que ça a étonné plus d'un qui m'a dit, mais c'est pas possible. Pas du tout. C'est, je veux dire, c'est... Nous recevons un coup de considérable. Un coup de latte, je veux dire, il serait raide par terre, je veux dire. Moi, je vais vous dire, mon ange, nous recevons un courrier considérable de gens qui veulent se ramasser des coups de pompe. Et le seul truc, c'est qu'on ne peut pas les vendre par correspondance, parce que j'en aurais bien vendu. Ouais. Les 3 coups de pompe, l'une de fiel, 50 francs. Ouais. Par correspondance, vous pouvez les commander par courrier. Sinon, on aurait pu les vendre. Oh oui, oh, moi j'en vendrais beaucoup, même un pas par correspondance. Un coup de pompe par Zaza, un coup de pompe par moi, même un coup de pompe pas par correspondance, je peux aller les donner à domicile. Ah, voilà. Ouais, mais je crois que tout, quand même, il faut préciser un truc, c'est que tout se passe dans la tête finalement. Ah, bon, mais l'excitation, elle est dans la tête. Hein. Mais quand tu te ramasses des coups de pompe, quand même, ouais, bien sûr, ça se passe autre part aussi. C'est comme, on prend un exemple, les gens qui marchent sur du verre, etc. Bon, bah, ah oui, oh, bah, ah, dire, oui bon, bah, ça se passe dans la tête. Ils ont non, mais tu souffres réellement. Un matelas en lame de rasoir, c'est très bien. Parce que le mec qui marche sur des morceaux de verre, il le sent pas, lui, parce que sa concentration fait qu'il le sent pas. Mais voilà, toi, tu le sens. Mais c'est une question, justement, tout se passe dans la tête. Mais est-ce que tu le sens ou pas? Est-ce que t'as mal ou pas? Parce que tu vas avoir quand même très mal. Non, pas vraiment, justement. Ah non, non, ça me fait pas vraiment mal, justement. Et est-ce que tu le suces un peu, est-ce que t'es pompé? Ouais, ouais, alors ce que je j'aime bien, bon, si tu veux, sucer un mec comme ça, mais il sort que la baguette et tout, j'aime pas voir voilà, comme mec. Zaza. Voilà. Je sais pas, comme Zaza, j'en sais rien, je la connais pas. Bah non, personne n'est allé voir. Alors, qui sort bien le pis, voilà. Qui sort juste du pantalon. Voilà, c'est ça. Qui ouvre juste et le... tu te râpes pas les lèvres contre la braguette? Et tu te colles la bite contre le visage. Hey. Tu te tapes la bite sur le visage. Voilà. Et tu l'aimes quand elle est molle et qu'elle gonfle dans ta gueule. Ouais, aussi. De petites truies. Mais il y a aussi un autre truc que je précisais, c'est le côté un peu fétichiste. Pourquoi? Est-ce que tu as le droit encore de préciser? Non, on a tu compris, n'as pas là. Le droit de préciser. Ouais, ce que j'aime bien, par exemple, c'est... j'aime bien que le mec, mettons, il nique les survettes. Hein. Il nique les survettes, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est-à-dire que, par exemple, bon, survêtement, style Adidas, truc comme ça, et que le mec, bon, je veux dire, il hyper peut fort, un peu, ouais, etc., ah, voilà, et... Et puis il commence à me donner des coups de latte comme ça. Je veux dire, ce que quel je bonheur. Cherche aussi, bon, c'est des gens quoi qui seraient intéressés quoi par nous. Ah, mais il y en a beaucoup, plein, beaucoup. Comment? Vous faites un joli. Comment tu t'appelles là? Stéphane. Mais il va y avoir beaucoup de mecs qui vont t'appeler, je pense. Mais toi, tu les veux jeunes, donc 18. Ouais, parce que si tu veux, c'est. Dans ma tête, c'est une excitation parce que je pense que c'est comme une domination finalement en quelque sorte. Ouais. Et quand t'as joué, il faut que ça s'arrête. Ah non, pas forcément. Ah bon? Ah non, il y a une deuxième séance. Hein. Oui. Ah non, mais tu sais, on peut avoir plusieurs jouissances, hein, moi on m'a dit. Non, on peut jouer plusieurs fois. Ah oui. Non, on peut rentrer à 6h du matin et jouer jusqu'à 3h de l'après-midi? Non, ça, alors ça existe, hein? Ça fait un peu difficile à concevoir. Non. Ça vous est jamais arrivé, ça? Mais j'ai ma voisine qui a... Tu entends des cris? Oui. C'est peut-être une cassette. Hein. Oh oui, enregistré. Non. Peut-être un remix. Elle a mis de l'écho. Elle a mis un écho, un délai, et ça parce marche. Parce que moi, je croyais que ça, naïvement que ça pouvait exister. Non, des folles nuits d'amour, ça. Ah. Mais j'aime... C'est des heures, des minutes, voire des secondes. Mais Alors, Stéphane, mon ange. Ouais, donc finalement, mais ce que j'aime bien, bon, c'est les mecs un peu style, un peu petit dur, quoi. Ouais, on a compris. Et on comprend la guerre. Oh, voilà. On a examiné la situation, bon. Et le ministre est d'accord, hein. Mais sache que tu n'es pas tout seul à vouloir te faire claquer les miches. Je sais pas. Je sais pas, mais je veux dire, j'ai, avec l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent, je veux dire, ça étonnait pas mal. En tant que spécialiste en spécialité, je peux te dire que beaucoup de gens viennent me parler de ce problème, qui n'en est pas un, et qui est un fantasme, mon ange. Ouais, mais les gens, ils trouvent que je suis bizarre aussi. Non, bizarre, il l'a. Non, chérie, et ceux qui trouvent que t'es bizarre, de toute façon, c'est même pas la peine d'aller voir, ils vont pas te latter. Ouais, non, mais, ce, mais si tu veux, c'est. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les mecs, ils aiment bien niquer les pompes, quoi, les baskets, leur, ouais. Nike, etc. Et survêtement ou jeans, trucs comme ça. Oui, on voilà. Voit le genre, on voit très bien. Et un mec qui a pissé dans son ben. Ah, oh là là. Hein, c'est bon ça. Ouais, ça peut être le sympa. Jean tout trempé et tout. Ah ouais. Et toi, tu mets ta gueule dessus. Hein, petite truie. Hein. Voilà, donc ce que je cherche aussi, bon, c'est des. Comment tu mets Stéphane? Il faut que tu te décrives quand même, sommairement, ouais, rapidement. C'est... Ouais, donc moi je suis brun, j'ai cheveux courts. Ouais. J'ai des yeux bleus très clairs. Mmh. Ouais, tu parles qu'ils vont pas regarder les yeux. Et, ouais, exactement. Enfin, je me décris. Alors. Et bon, tu mets petit, grand, moyen. Je sais pas, 17 ans. Ces eaux-là, ouais. Non, mais, c'est... Non, mais on parlait pas de forcément de... Bonjour Pierre. Ah ouais, alors 1m76 sur 63-64 kg. Oui, c'est bon. Bah, c'est un beau garçon. Bon, un beau garçon alors, Stéphane. Bah, alors, physiquement, bah, c'est pas parce qu'il aime se faire latter qu'il est moche. Bah, non, non, physiquement, je suis quand même pas mal. Ouais. Et ce qui me fait un peu chier dans l'histoire, c'est que la plupart des mecs, ils croient que c'est le contraire, ils croient que c'est moi qui vais les deviner, quoi. Ah, bah, tu expliques bien la situation, tu donnes le menu à voir. Là, t'as expliqué, donc... Ils ont compris le message, hein. Ouais, c'est quoi. Simple. Mon c'est ange, ouais. Ils ont compris le message, mm-hmm. Et tu vas avoir beaucoup d'appels. Ouais, je précise un truc aussi, oui. Au niveau téléphone, s'ils veulent avoir mon téléphone, qui téléphone à votre antenne... Non, ils appellent. Ils appellent et... Ils appellent et nous, on te rappellera en te communiquant les personnes qui t'ont contacté. Voilà, comme ça, c'est encore plus simple et puis il n'y a pas d'abus. Alors messieurs, à vos pompes, alors, pour contacter, à vos baskets, à vos Santiago, et contactez Stéphane, c'est le 43 57 69 70, 43 57 69 70, 43 57 69 70. Il y a des filles qui nous ont écrit pour nous dire, voilà, j'ai un gros problème,